Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, édition de la mi-journée de ce samedi. Voici d'abord les titres. Mise en garde du gouverneur de la province Kayanza face aux gens qui acheminent clandestinement le café au Rwanda qui seront punis conformément à la loi. Et les jeunes filles scolarisées au lycée Kayanza, issues des familles vulnérables, disent qu'elles éprouvent des difficultés pour trouver des serviettes hygiéniques pendant la période des menstruations. Et la suspension des vols rwandais vers la RDC est l'une des décisions issues du Conseil supérieur de la défense de la RDC. Vous entendrez dans ce journal le ministre congolais de la communication, Abel Ndouaye, assure la mise en onde et la présentation. Vous êtes avec Ornella Mocho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page Société pour débuter cette édition. Les jeunes filles scolarisées au lycée Kayanza, issues des familles vulnérables, disent qu'elles éprouvent des difficultés pour trouver des serviettes hygiéniques à utiliser pendant la période des menstruations et demandent d'être assistées. Dr Patrice Alarine Irambona, présidente de l'association We Up for Future Burundi, les appelle à faire recours, surtout aux papiers hygiéniques qui ne sont pas à usage unique pour pallier provisoirement ce problème. Le point avec Patrick Sengeyumva. Certaines de ces jeunes filles scolarisées au lycée Kayanza avec lesquelles nous nous sommes entretenues indiquent que la hausse des prix de différentes marchandises n'a pas épargné non plus les serviettes hygiéniques dont elles se servent pour faire l'hygiène menstruelle. Le problème est que selon elles, même les serviettes hygiéniques qui ne sont pas usage unique ne sont pas disponibles à tous les marchés pour y faire recours. Et les demandes de la disponibilité de ces objets à tous les marchés et à un prix abordable également. Ce jeune fille scolarisé au lycée Kayanza font savoir que ces objets leur serviront beaucoup à améliorer l'hygiène menstruelle. Naki Gemé Thérèse, encadrée au lycée Kayanza et en même temps animatrice du club de la santé sexuelle et reproductive à cet établissement scolaire, affirme aussi que c'est un problème pour les jeunes filles scolarisées à l'internat et qui sont ici des familles vulnérables à se faire facilement des serviettes hygiéniques à usage pendant la période des menstruations. Il appelle les bienfaiteurs à assister ces jeunes filles. À cette doléance, Dr Patrice Alarine Ilambona, présidente de l'association We Up for Future Burundi, dit que cette question trouvera solution les jours à venir. Et en attente de la promesse précise de Dr Patrice Ilambona, ces jeunes filles sont appelées à continuer à bien faire l'hygiène menstruelle et surtout en utilisant des coussinets qui ne sont pas usage unique, afin, selon elles, de se prévenir contre certaines infections urinaires. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Sengiumba. Et la suspension de vol de Rwandair vers la RDC et l'exclusion du mouvement armé M23 du processus de Nairobi sont quelques décisions du Conseil supérieur de la défense de la RDC selon un communiqué lu sur la radio-télévision nationale congolaise par le ministre congolais de la communication ce vendredi soir. Suivez-le. Et M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. Deux, une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude et des natures a perturbé le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. Trois, comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le Conseil supérieur de la défense dénonce fermement une campagne de manipulation ourdie par le Rwanda, accusant notre armée de collaborer avec de forces négatives pour justifier son soutien au groupe terroriste du M23. Nous saluons la condamnation unanime de cette énième aventure du M23 et de ses parrains par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et autres. Nous remercions notre population pour le soutien manifeste à l'endroit de nos forces armées et de la police nationale afin d'assurer la protection de notre pays et l'intangibilité de nos frontières. Nous l'invitons en même temps à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en préservant l'harmonie qui règne entre les différentes communautés. Nous en appelons aussi à sa vigilance. Nous tenons à rappeler enfin l'engagement de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Nairobi conduit par le président Uhuru Kenyatta pour construire une paix durable. Isanganiro, la radio de l'avenir. Actualité sportive à présent, la grande finale de la Ligue des champions d'Europe est programmée ce samedi sur la pelouse du stade dénommé Saint-Denis en France à 21h. Liverpool d'Angleterre invite le Real Madrid d'Espagne, champion de cette Ligue 13 fois depuis son existence. Plus de 50 000 spectateurs anglais sont attendus en France pour soutenir Liverpool, écrit le journal Maxi Foot. La dernière rencontre entre ces deux équipes s'est disputée en 2018 lors d'une grande finale de la même ligue, remportée par le Real Madrid sur le score de 3-1. Et le gouverneur de la province Kayanza met en garde les gens qui acheminent clandestinement le café dans nos pays voisins, le Rwanda, qui seront punis conformément à la loi. Certains caféiculteurs précisent qu'ils préfèrent vendre le café au Rwanda parce qu'un kilo s'achète à 9000 francs rwandais, au moment où au Burundi, le kilo s'achète actuellement à 800 francs bou. Le directeur de l'Office burundais pour le développement du café au D4 tranquillise ses caféiculteurs que le gouvernement augmentera le prix selon la croissance de la production. Un marché pour l'écoulement des mandarines dans le marché interne est débordé en période de maturité, tenté d'être recherché à l'extérieur du Burundi. Conservateur Nitunga, gouverneur de Lumonge, le dit, explique qu'il s'agit d'une alternative en attendant le démarrage des activités d'une usine locale. Le point avec Jean-Pierre Misago. La perte est énorme quand les mandarines ne parviennent pas à être écoulées à leur maturité. Selon Faustin Olichubonye, l'un des cultivateurs de mandariniers en zone Kizuka, dans un débat organisé par la plateforme des blogueurs Yaga à Rumonge ce vendredi, ce cultivateur ainsi que les autres participants se demandent sur l'avenir de cette plante qui ne contribue pas actuellement à sa juste valeur au développement et des cultivateurs et du pays. Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumonge, dit être au courant de cette perte, raison pour laquelle il a déjà saisi le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions afin d'autoriser l'exportation des mandarines, notamment vers la République démocratique du Congo. À la question de savoir à quand le démarrage de l'usine de production du jus de mandarine annoncé à Rumonge, cela va faire bientôt 4 ans, le gouverneur de Rumonge répond qu'il faut attendre les conclusions d'une étude en cours. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Revenons sur la mise en garde du gouverneur de la province Kayanza face aux gens qui acheminent clandestinement le café dans nos pays voisins, le Rwanda, qui seront punis conformément à la loi. Certains caféiculteurs précisent qu'ils préfèrent vendre le café au Rwanda parce qu'un kilo s'achète à 9000 francs rwandais, au moment où au Burundi, le kilo s'achète actuellement à 800 francs. Bou, le directeur de l'Office burundais pour le développement du café au Dakar, tranquillise ces caféiculteurs que le gouvernement augmentera le prix selon la croissance de la production. Les détails avec Lydie Gahimbari. Certains caféiculteurs de la province Kayanza indiquent qu'ils utilisent beaucoup de moyens pour cultiver le café, mais le rendement est encore faible. Ce n'est pas vraiment facile l'entretien du café pendant la période de semence. Et pourtant, sur le marché, le prix d'un kilo de café n'équivaut même pas le prix d'un kilo de l'huile de palme. Les enfants ne prennent plus le thé et même le haricot vaut cher que le café. Cela pousse ces caféculteurs acheminé clandestinement ce café Rwanda pour le vendre à 9 000 francs rwandais par kilo au moment où au Burundi, le même kilo coûte actuellement 800 francs burundais. Dans le but d'éradiquer ce comportement de vendre le café au Rwanda, ce caféiculteur demande au gouvernement de rehausser son prix. À cela, Emmanuel Nyungeko, directeur de l'Office burundais pour le développement du café au déconsigle, tranquillise ses caféiculteurs que le gouvernement va augmenter le prix selon la croissance de la production. Le café du Burundi, le café qui est fait à un prix bas, ça dépend du prix auquel ces personnes ont vendu ce café à ces fraudeurs. Mais aussi, il faut qu'on sache quelles sont les motivations qui ont fait que ces gens fassent un tel comportement. Après avoir analysé tous ces éléments, on pourra savoir qui a fait que ce comportement soit affiché par des personnes qui devraient acheminer le café dans des stations de lavage qui sont ouvertes dans tout le pays, sur un total de 270 stations de lavage opérationnelles sans entrave. Vous comprenez que le prix bas ou élevé, ça peut être un prétexte, mais au fil des enquêtes, on pourra savoir plus. Le gouverneur de la province Kayanza met en garde les gens qui acheminent clandestinement le café dans le pays voisin, qu'ils seront punis conformément à la loi dans le but de lutter contre la fraude. Colonel Rémi Tshishahayo demande aux gens qui possèdent illégalement le café à la maison d'informer l'administration locale tout en précisant qu'ils ne seront pas poursuivis par la justice. Actualité internationale. Actualité internationale. Avant de mettre fin à cette édition, 140 millions de dollars ont été collectés lors du sommet de l'Union africaine de ce vendredi, et cela pour faire face aux crises humanitaires. La journée dédiée aux crises humanitaires s'est achevée vendredi soir à la tombée de la nuit à Malabo, en Guinée équatoriale. Toute la journée, les discours des chefs d'État ont porté sur les causes des multiples défis auxquels fait face le continent. Un ensemble de facteurs qui provoquent souvent des déplacements des populations. Et pour juguler ces défis, le gouvernement et donateurs ont renouvelé leur engagement pour la cause en mettant la main à poche. Plaidoyer et sensibilisation des partenaires ont permis de faire une bonne moisson financière de 50 millions de dollars sur un besoin de 14 milliards de dollars pour prendre soin des déplacés plutôt et réfugiés. Et l'Assemblée nationale centrafricaine a voté ce vendredi par acclamation l'abolition de la peine de mort, comme ça a été annoncé par le président de l'Assemblée. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Réhabilitation de l'ex-marché central de Bujumbura, le gouvernement prêt à lancer ce grand chantier en 2023, titre Burundi Eco. Faisant remarquer que c'est pour la deuxième fois que le gouvernement évoque ce projet de réhabiliter cette infrastructure d'une importance capitale pour le pays, 9 ans après que le marché central de Bujumbura est consumé dans les flammes. En effet, le Conseil des ministres du 18 mai 2022 a encore une fois remis sur la table le projet d'ériger un centre commercial sur les ruines de l'ex-marché central de Bujumbura. En octobre 2020, l'Association des banques et établissements financiers du Burundi, ABF en sigle, a manifesté sa volonté d'investir dans ce projet au cœur de l'opinion nationale. Ce journal rappelle que la requête de ces opérateurs économiques a été acceptée par le gouvernement après analyse en décembre 2020. Ceci avec la recommandation de créer une société mixte dont le capital serait ouvert à des personnes ayant des capacités financières suffisantes. En avril 2020, le Conseil des ministres a adopté une feuille de route de mise en œuvre et un mémorandum d'entente à signer avec l'Association des banques et établissements financiers du Burundi pour la construction de ce centre commercial. Malgré le retard constaté au niveau des préparatifs, le gouvernement prévoit le lancement du chantier au mois d'avril 2023, tandis que l'inauguration du centre commercial est projetée au mois d'avril 2026, écrit toujours cet hebdomadaire socio-économique. Du côté de l'ABF, souligne Burundi Echo, et devra prouver avec certitude et avec des dates à l'appui sa capacité de rattraper le retard enregistré. Dans le cas contraire, lit-on toujours dans cet hebdomadaire, le gouvernement menace de céder le terrain à d'autres investisseurs. Des projets porteurs, mais la sécurité d'abord, nuance l'éditorialiste du journal Iwachu, évoquant la visite au Burundi du président congolais Félix Tshisekedi. À la presse, il n'a parlé que de projets phares en importé et du chemin de fer Uvinza en Tanzanie, Musongati, Gitega Bujumbura, Uvira Kindu en RDC, qui lui tient tant à cœur. Son confrère constate que cette infrastructure va révolutionner les échanges commerciaux et booster l'économie en général, tout en facilitant la mobilité des biens des personnes, comme on dit, dans la sous-région. Du côté de la Tanzanie, ce n'est qu'une extension du réseau ferroviaire dense dans ce pays, avec comme point de départ Dar es Salaam, et les travaux de construction sont très avancés. Mais tiens à souligner l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu, tous les beaux projets du monde ne valent rien sans ces préalables qui s'appellent stabilité et sécurité. Le développement dans notre sous-région dépend de ce mot magique, la paix. Sinon, fait remarquer son confrère, ce nouveau venu dans l'EAC, ce géant aux pieds d'argile, mais le ventre gorgé de ressources, peut être le moteur pour le développement de toute la région. Revue de la presse. La prison centrale pour femmes d'Ngozi se dote d'une crèche depuis samedi dernier, écrit l'agence burundaise de presse. Financé par l'Union européenne en partenariat avec l'ONG Terre des Hommes, cet espace a été inauguré samedi 21 mai. Selon son confrère, il apportera des services divers aux bébés et nourrissons qui sont avec leur mère incarcérés dans cette maison de détention spécialisée d'Ngozi, destinée à abriter les femmes incarcérées de la région de la cour d'appel d'Ngozi et les enfants mineurs en conflit avec la loi. Au total, 24 enfants mineurs filles et 28 bébés se trouvent hébergés dans cette maison de détention. Les parentés de ces enfants devraient les récupérer ayant atteint l'âge de sevrage au lait maternel pour les éduquer en famille et pour plus de spécialisation au foyer. 154 femmes y sont incarcérées pour une capacité d'accueil de 250 personnes, précise ce quotidien. On termine cette revue de presse par le journal Net Presse qui rapporte que certains consommateurs rencontrés près du port de Rumonge s'inquiètent de la qualité du poisson frais sec de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo et demande au bureau burundais de normalisation BBN de contrôler ce poisson en vue de protéger la santé des consommateurs. Ils indiquent que le conditionnement et le transport du poisson frais à partir de ces pays laissent à désirer car certains consommateurs affirment être victimes d'une intoxication alimentaire après avoir consommé ce poisson, ajoute son confrère. Ils indiquent que certains poissons secs contiennent du sable ramassé lors de leur fumage ou séchage. Ce quotidien en ligne signale que plus de 62 tonnes de poissons sont déjà passées par le port de Lumongue depuis le début de ce mois de mai. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndokugayo et Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.